Micro ouvert. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro, ouh, est, le ouvert, micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Oh, oh. Donc déjà, on va commencer comme ça, si vous êtes d'accord. Merci, ça démarre. C'est bien. Donc merci de me recevoir, monsieur François... Godet. Je ne sais pas si c'est... Enfin, voilà, je... Monsieur François Godet, est-ce que vous faites une petite présentation de vous-même ou bien ça ne vous intéresse même pas de vous présenter ? Très succinctement, j'ai 57 ans, je suis père, grand-père, je suis auditeur de métier et apiculteur de cœur. Je travaille de manière indépendante. Et cela me permet d'avoir du temps de disponible pour m'occuper des abeilles qui sont devenues un enjeu majeur de ma vie d'homme. Mais quand vous dites que comme ça vous avez du temps pour vous occuper de vos abeilles, c'est elles s'occupent de vous, c'est les abeilles qui s'occupent de vous, non? Vous rentrez directement dans le vif du sujet. Je pense que la fréquentation des abeilles est quelque chose qui ne laisse pas indemne. Je ne parle pas des piqûres, je parle vraiment de la relation qu'on peut avoir avec le monde des abeilles. Et on reviendra sur le thème d'abeilles ou de monde des abeilles, parce qu'il y a différents organismes vivants à analyser. Mais la fréquentation du monde des abeilles est une fréquentation qui est fascinante, mais qui est aussi remplie d'émotions. Et comment a démarré cette fréquentation? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous rencontriez, vous fréquentiez l'abeille? D'abord, un trou de 30 ans entre ma première rencontre du monde des abeilles chez un voisin quand j'avais une quinzaine d'années, et le moment où j'ai vraiment décidé d'entrer dans le monde des abeilles en commençant par suivre une formation apicole. Le monde des abeilles est tellement complexe qu'il nécessite de fait une formation. Pourquoi j'ai été attiré par les abeilles? Je ne peux pas vous le dire de manière concrète, mais je pense que c'est pour la même raison que l'homme, depuis que petit à petit il a évolué du règne animal vers le règne humain, est resté en contact ou a été en contact avec les abeilles. Les abeilles sont là depuis 200 ou 300 millions d'années, l'homme depuis sensiblement moins. Mais la relation de l'homme au monde des abeilles est une relation qu'on trouve depuis les temps préhistoriques assez anciens. Il existe la plus vieille représentation d'abeilles, en tout cas en Europe, se trouve dans une grotte en Espagne et représente une femme sur une falaise en train de collecter du miel avec des abeilles qui volent autour d'elle. Dans les gens fascinés par le monde des abeilles, je pense que c'est Aristote chez les Grecs qui s'était amusé à polir des coquillages pour les rendre suffisamment fins que pour qu'ils deviennent translucides. Il s'est servi de ces coquillages pour faire un trou sur une colonie d'abeilles, mettre le coquillage et par la translucidité du coquillage, observer ce qui se passait à l'intérieur de la ruche. On se trouve chez les Grecs anciens. De manière plus récente, je pense en 64, un chercheur allemand ou autrichien a eu le prix Nobel de médecine pour des études sur la danse des abeilles. Donc la fascination est réelle, elle est vieille et je pense que ma démarche vis-à-vis des abeilles s'inscrit dans cette fascination globale. Et puis, elle a pris une dimension qui est un petit peu plus large maintenant. Mais qu'est-ce qui vous fascine? Je suppose que c'est une question, waouh, qu'est-ce qui vous fascine chez l'abeille? Vous rentrez vite dans le vif du sujet. Je vais vous... Vous préférez qu'on tourne un peu autour? Non, pas du tout. on peut, hein. C'est parce qu'on a un cadre, on a un temps, quoi, voilà. Donc je me dis, rentrons dans le sujet, dans le vif du sujet. Non, super, c'est très bien. J'ai deux ruchers. Aujourd'hui, j'ai deux ruchers. J'en ai un dans notre village ici à côté de Namur, donc qui est une zone semi-urbaine. Et j'ai un deuxième rucher qui se trouve dans un monastère à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Le rucher se trouve dans la partie close du monastère. Et j'ai rencontré un moine qui est entré dans le monastère, qui est entré au monastère dans les années 40 et qui s'est occupé du rucher dans les années 50. Et tous ces moines sont à la fois actifs dans le concret, dans la matière, et des gens en recherche spirituelle et en travail intellectuel. Et les discussions qu'on a avec eux quand on travaille dans une ruche sont prodigieuses. Et ce vieux moine me disait que ce qui caractérise le mieux le monde de l'abeille pour lui, c'est un mot grec qui est « deinos ». Et le mot grec « deinos » est un mot qui exprime une notion à la fois de fascination et de crainte, mais pas la crainte du film d'horreur, qui est la crainte liée à la relation que dans le monde antique, l'homme avait avec la divinité. Donc c'est une fascination par rapport à quelque chose qui nous dépasse. Et le monde de l'abeille a des dimensions qui sont de fait totalement fascinantes, d'une harmonie extrême, d'une rigueur implacable. Je ne sais pas s'il y a, si on peut mettre une notion d'amour sur le monde de l'abeille. C'est un monde qui est capable d'être terriblement dur. Personnellement, quand je remplace une reine, je me refuse à la tuer comme ça se fait régulièrement. Je la mets dans une plus petite ruche. Mais les abeilles, quand elles estiment que la reine ne pond plus assez et qu'elle met en danger la collectivité, poussent la reine à l'extérieur, la font partir ou la tuent elle-même. Donc c'est un monde qui est d'une rigueur implacable. Mais en attendant, les échanges qu'il y a à l'intérieur de ce monde font que chacun reçoit de tous et chacun travaille pour tous. Il y a une beauté dans ce monde qui est fascinante et il y a aussi une autre dimension qui est pour moi incroyablement belle et prenante, c'est l'odeur d'une ruche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de respirer une ruche, mais c'est une des plus belles odeurs qui soit. C'est une odeur que je ne peux comparer qu'à une seule autre, c'est ce qu'on sent quand on a un bébé qu'on aime dans les bras, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, qu'il est tout propre, qu'il a fait sa sieste, qui était un petit peu en transpiration, et respirer les cheveux, l'odeur de son bébé, c'est extraordinaire, c'est magique comme odeur. Quand on est le nez dans une ruche, on a des odeurs qui sont des odeurs qui vous mettent dans une sensation de plénitude et dans une sensation de bien-être prodigieuse, et le son de la ruche aussi. C'est très nourrissant, une ruche. C'est très nourrissant, une ruche, ça veut dire... Oh, je ne parle pas de l'aspect miel. Je pense que la fréquentation des abeilles, la fréquentation des colonies et des ruches est quelque chose qui apporte tellement qu'on ne s'en trouve pas indemne. On se trouve, personnellement, je me trouve changé dans ma façon de vivre. Je crois que François n'est pas différent, mais ce que François fait de sa vie, la façon dont il respire les choses et dont il essaye d'être actif dans son quotidien, je pense que je ne suis plus le même que ce que j'étais avant que je ne travaille avec des ruches. C'est une histoire d'amour, carrément, quoi. C'est une rencontre d'amour. C'est là où je ne me sens pas dans la possibilité de dire que les abeilles, c'est de l'amour, parce que c'est un monde implacable, mais immanquablement, quand on est en fréquentation des ruches, on est dans une relation d'amour. Et ce n'est pas le rythme de vie de la colonie qui est capable de mettre à l'extérieur ce qui n'est plus en mesure de faire vivre la colonie, mais le tout est une relation d'amour, et indépendamment de toute croyance religieuse, Les abeilles sont présentes dans toutes les traditions religieuses. Une ruche, une abeille, ce qui se passe dans la ruche, ce que les abeilles font dans la nature, c'est une ode à la vie. Le rôle des abeilles dans la nature est prodigieux. Mais rentrons encore un peu plus, je trouve, dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans cette ruche, en fait ? Parce que ce que j'entends, c'est que vous nous expliquez que tout est collectif. L'abeille individualiste, ça n'existe pas. Alors d'abord, il y a différentes sortes d'abeilles. Ici, on parle de l'abeille qui vit dans une ruche, l'Apis mellifera. Mais il y a toutes les abeilles solitaires, les abeilles et les guêpes solitaires, qui sont des insectes pollinisateurs, qui sont vitaux également pour la nature. Bon, petit. Quand vous parlez d'abeilles et de guêpes solitaires, ça veut dire que c'est une abeille qui se balade et qui... c'est ça. Hein, sinon, je comprends... Il y a des abeilles qui travaillent en collectif dans la ruche, et puis il y aurait peut-être des abeilles qui travaillent solitairement pour la ruche aussi, alors enfin, comment ça se passe? C'est là que je ne comprends pas bien. Il y a l'animal, il y a l'insecte qui vit dans une communauté, et il y a également des variétés d'abeilles. Il y a des guêpes, il y a des osmies qui sont des insectes, qui vivent de manière solitaire. Donc, ces insectes ne vivent pas dans une ruche, ils vivent de manière solitaire, ils se reproduisent d'une manière solitaire. Il y a la fécondation, évidemment, mais si vous observez des petits trous, si dans une façade de maison, vous avez un trou qui a été foré pour mettre une vis, que la vis n'est plus là, vous allez voir à certains moments que le trou est operculé par de l'argile. À l'intérieur, une abeille solitaire a été pondre des œufs, un œuf jusqu'à 3 ou 4 en profondeur, avec une alternance mâle et femelle, bien étudiée. Et ce sont des insectes qui pollinisent d'autres espèces végétales, parce que leur appareil buccal, la longueur de leur langue est différente et permet d'aller plus ou moins profondément dans le pistil des fleurs. Donc, il y a les abeilles solitaires, il y a les abeilles qui vivent dans les ruches. Vous voyez, je ne savais pas du tout. Voilà. Comme quoi... Et donc, vous êtes plus en contact avec les abeilles collectives. C'est ça, les abeilles qui vivent dans les ruches, qui sont, je dirais, la grande majorité des abeilles qu'on trouve chez nous. En termes d'espèces, c'est globalement une espèce, il y a différentes races d'abeilles, mais en termes de nombre d'individus, je pense qu'elles sont largement surreprésentées par rapport aux insectes solitaires. Et qu'est-ce que... Enfin, moi, j'ai des questions, évidemment, mais vous, naturellement, qu'est-ce que vous auriez envie de raconter au cœur de cette ruche ? Puisque moi, j'y connais absolument rien. Je sais que les abeilles font du miel. Ça, je le sais. À part ça, qu'est-ce que j'ai entendu aussi ? J'ai entendu que l'abeille était menacée aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? On va parler de la menace sur la vie des abeilles plus tard. C'est un enjeu majeur, particulièrement cet hiver-ci. Mais si on parle de ce qui se passe au cœur de la ruche, je pense qu'il s'y passe une alchimie qui est merveilleuse et qui est de nouveau remplie d'une telle beauté que ça peut laisser sans voix, ce qui est difficile pour une émission radio. Maintenant, que se passe-t-il à l'intérieur de la ruche ? Bon, d'abord, qui vit à l'intérieur de la ruche ? À demeure, y vit la reine. La reine, normalement, s'envole une fois à deux fois dans toute sa vie. La reine, après éclosion, après ce qu'on appelle l'émergence, l'œuf est pondu, l'œuf se transforme en larve, en nymphe, et puis l'individu sort de la cellule de l'alvéole dans laquelle il est, ce qu'on appelle l'émergence. Après émergence, la reine renforce un petit peu son organisme structurellement et puis part faire ce qu'on appelle le vol nuptial. Alors le vol nuptial de la reine est quelque chose d'assez époustouflant parce que cette reine vierge s'envole et la fécondation a lieu à 200 mètres d'altitude, 200 mètres au-dessus du niveau du sol. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas si à Bruxelles, nous avons un bâtiment qui fait 200 mètres de haut. La tour Eiffel en fait 300. C'est énorme. Et ce petit insecte vole aussi haut que ça. Lors de son vol nuptial, la reine se fait féconder par plusieurs mâles. Les mâles des abeilles sont appelés des faux bourdons. Et elle empoche le sperme qu'elle collecte dans une spermathèque. Donc tout le sperme est collecté, tout le patrimoine génétique mâle est collecté lors de ce vol de fécondation. Après ce vol, elle rentre dans la ruche. Les risques sont forts, elle peut se perdre, elle peut être mangée par un insecte. Tout se passe bien, elle rentre dans la ruche. Que se passe-t-il dans la ruche ? Le rôle de la reine est de pondre. En haute saison, la haute saison, c'est globalement la période qui va d'avril-mai à juin-juillet. La reine, globalement, pond par jour son poids en œufs. Donc imaginons ça à l'échelle humaine, ça veut dire que quotidiennement, à 3 kilos le bébé, une dame de, je prends 60 kilos, c'est plus facile à diviser par 3, devrait engendrer 20 petits. C'est ce que l'abeille fait. La reine en saison pond jusqu'à 2000 œufs par jour. Elle est en permanence entourée d'une cour qui sont des abeilles qui sont là pour la nourrir. Elle ne se nourrit pas seule, elle a besoin des abeilles pour la nourrir. La reine, quelque part, est faussement appelée la reine parce que derrière l'idée de roi ou de reine, il y a l'idée de pouvoir. La reine ne décide pas, elle ne régit pas un royaume. Elle est au service d'eux. Il existe des mécanismes d'information, de communication, de prise de décision au niveau de la ruche, mais tout ça relève d'un esprit collectif. Cette reine pond. L'œuf est mis au fond d'une alvéole qui a été préparée, qui a été nettoyée avec grand soin. Avant la ponte, la reine vérifie si l'alvéole est suffisamment propre pour accueillir l'œuf. L'œuf reste 3 jours dans l'alvéole. Au bout de 3 jours, l'œuf, il y a éclosion. Passé cette éclosion, nous avons une larve qui se développe et qui vit pendant une période de 6-7 jours avant de se transformer en nymphe. Au terme de cette période de larve, il y a ce qu'on appelle l'operculation. Tant qu'il y a une larve, les abeilles viennent nourrir la larve. Et cette alimentation se fait des dizaines de fois par jour. Donc une larve, un œuf éclos, reçoit la visite d'autres abeilles plusieurs fois par jour pour lui amener de la nourriture. Quelle est cette nourriture ? Cette nourriture, c'est de la gelée et de la gelée royale. L'œuf qui est pondu, là on rentre dans de la biologie. L'œuf qui est pondu est un œuf fécondé ou non fécondé. Si l'œuf n'est pas fécondé, ça sera un mâle. Chez les mammifères, nous avons tous des chromosomes qui vont par paire. Le mâle chez les abeilles n'a pas de paire de chromosomes. Un œuf non fécondé donne un mâle, un œuf fécondé donne une femelle. La décision de pondre des mâles ou des femelles dépend de l'évolution de la collectivité. Et suivant la saison, ça évolue. Comment avons-nous au départ d'un œuf fécondé, un œuf femelle, comment avons-nous une ouvrière ou une reine, Tout dépend de la nourriture que va recevoir la larve. Vous avez entendu parler de miel, je l'ai remarqué. Vous avez certainement entendu parler également de gelée royale. La gelée royale est une nourriture hyperprotéinée préparée par les ouvrières. C'est une nourriture qui est tellement protéinée que la larve qui la reçoit va se développer beaucoup plus qu'une autre larve. Et comme c'est une nourriture qui est donnée à un œuf qui est fécondé, cette nourriture va engendrer un individu femelle qui va superbement se développer, y compris au niveau du système reproducteur. Ça va donner une reine. Oui, mais on rentre vraiment dans le ce qui serait, enfin comment, c'est peut-être pas rentrer trop dans les parce que sinon on va prendre toute l'heure de notre rencontre. Moi, j'aimerais bien aborder plusieurs, alors peut-être pas, mais là j'ai déjà un point de vue de ce qui se passe un peu dans la ruche. Hein. Ça travaille quoi, en gros. On n'est pas là pour rigoler. Ah, il y a un travail énorme qui est fait dans les ruches. Globalement, il faut se rendre compte qu'en saison, une abeille vit 40 jours. Une abeille n'arrête pas de travailler. Une abeille vit seulement 40 jours. Oui. La reine peut vivre plusieurs années. L'abeille vit 40 jours en saison. Vers le mois de septembre-octobre, les abeilles qui vont naître vont passer l'hiver. Mais le rythme de vie d'une abeille est tel qu'elles sont très rapidement épuisées par leur travail et que le terme de leur vie est aux alentours du 40e jour. Ah ben là, c'est pas très marrant comme vie d'abeille, quoi. Quelque part, comme vous me racontez, ça rigole pas, il y a une hiérarchie, tout est... C'est vrai qu'il y a un collectif, ça c'est sûr, tout est... Il y a un ensemble, mais ça rigole pas l'abeille, quoi. Est-ce qu'elle a des moments de détente? Est-ce qu'on la voit écouter de la musique, lire un peu, se balader? Est-ce qu'elle a le droit de se balader, d'ailleurs? C'est toute la question de l'anthropomorphisme. Hein. C'est un débat qu'on a très souvent au niveau des apiculteurs, c'est de se dire, mais tu fais de l'anthropomorphisme, tu compares beaucoup trop, tu raisonnes le monde de l'abeille comme le monde de l'homme. Ça se raisonne différemment. Vous parlez d'un monde hiérarchisé. Je ne pense pas qu'il y ait d'hiérarchie dedans. Est-ce qu'il y a un pouvoir de décision? Est-ce qu'il y a un chef omnipotent et des cadres? Non. Non, il y a un collectif qui est là avec des règles propres. Je vous donne un exemple. Ça fait pratiquement 3000 ans que l'homme étudie l'abeille, qu'il vit avec l'abeille et qu'il l'étudie. Et dans les études qui sont faites, il y a des études qui sont faites sur les déperditions de colonies, qui sont faites sur la communication par l'usage des phéromones, donc des hormones qui existent dans ce monde des abeilles. Il y a aussi des études qui sont faites sur les mécanismes de prise de décision au sein des colonies. Alors, je vous donne un exemple. À un moment... La ruche décide de créer un essaim. Et il y a un essaim, un groupe d'abeilles qui part avec la vieille reine. Et de la fenêtre ici, nous voyons des noisetiers. De l'autre côté, il y a un cerisier. J'ai déjà trouvé des essaims là-bas. Mais pourquoi elle fait pourquoi la colonie décide de faire un essaim? C'est pour recréer une ruche? C'est pour recréer une nouvelle colonie. Mais là, on peut y revenir parce que c'est un thème fondamental. Et passionnant, c'est l'analogie entre la colonie d'abeilles et le mammifère. Mais ça, on peut y venir tout à l'heure. Sur le thème de la prise de décision, vous avez tous déjà vu des essaims, des photos d'essaims posés à un endroit. Peut-être que vous avez déjà vu des essaims dans la réalité. Le mécanisme de l'essaimage est prodigieux et fascinant. Mais quand l'essaim se trouve accroché à une branche, il reste là quelque temps. Et puis à un moment donné, il s'en va. Il est sur cette branche en attente d'un lieu où aller. Et dès qu'il est posé là, la colonie a envoyé des abeilles en éclaireur et les abeilles vont patrouiller partout. Et les abeilles reviennent près de l'essaim. Et quand un nombre suffisant d'abeilles dit, par une technique de communication par la danse, c'est dans telle direction, à telle distance, qu'il y a un endroit qu'on a retrouvé qui potentiellement est bon pour nous, quand un certain quorum est atteint, tout le collectif les quelques dizaines de milliers d'abeilles qui sont agglutinées dans cette grappe partent dans cette direction-là. Mécanisme de prise de décision en commun. Ça existe chez les abeilles. Est-ce qu'elles ont besoin de se détendre? Ça ne rentre pas dans leur préoccupation. Elles sont dans un autre registre que nous. Elles sont dans un registre où elles reçoivent tout de leur communauté et elles donnent tout. C'est très difficile de montrer des photos à la radio, mais je vais essayer de vous faire découvrir ce qui se passe quand une abeille naît. Ça donne une réponse à cette question. J'ai ici un ensemble de photos que je vais vous décrire. Quand on prend un cadre, donc c'est un cadre, c'est une feuille de cire sur laquelle les abeilles ont construit des alvéoles, dans laquelle elles élèvent, la reine pond, et puis les larves apparaissent, elles sont nourries par la communauté. Les larves deviennent des nymphes, il y a operculation, et quand les nymphes sont développées, l'opercule est ouvert et une nouvelle abeille apparaît. Alors, sur ces photos qui sont, le mot émotion vient très souvent chez moi quand je parle des abeilles, on va voir ce qu'on appelle une émergence, c'est une naissance. On a ici une alvéole qui est ouverte par l'intérieur. Donc, la nymphe qui est devenue une abeille est à maturité et l'abeille qui vient, qui est mûre, veut sortir. Donc, elle crève, elle ouvre l'opercule. Et on voit ici sur un cadre cet opercule qui est ouvert. Et directement, une autre abeille vient voir comment ça se passe. L'abeille qui est prête à naître commence à émerger, mais c'est fatigant. Et l'autre abeille s'en rend compte. Et l'autre abeille, à un moment donné, se dit qu'elle a besoin d'un coup de main. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans une cellule à côté chercher du miel. Elle prend du miel et elle revient près de l'autre abeille et elle lui donne du miel pour la renforcer. Et sur la photo que je vous montre pour le moment, on voit l'abeille en train d'émerger, qui a sa langue qui est sortie parce qu'elle vient de recevoir la dernière dose de miel. Donc vous vous rendez compte que cette abeille qui est en train de sortir de son alvéole, elle n'est pas toute seule. Il y a une de ses sœurs abeilles qui est venue là pour voir comment ça allait et puis qui s'est dit qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce et est allée lui chercher du miel. Et toute sa vie, l'abeille vit dans un collectif comme ça. Alors si on met ça en parallèle avec la pyramide de Maslow, quels sont les besoins primaires de l'abeille, est-ce qu'elle est dans la sécurité? Ça, je pense, c'est de l'anthropomorphisme, oui. Je pense que l'abeille n'a pas besoin de télévision le soir, elle n'a pas besoin de sa Jupiler ni de la Jupiler League. Je pense que l'abeille est dans un registre un peu différent. Je pense aussi, hein, y a pas de problème avec ça. Mais c'est parce que moi, j'ai eu un chat, pour vous parler, voilà, chat, c'est un mammifère, un chat. Oui, tout à fait. Et ce chat, en fait, dès qu'on... voilà, on est là aussi pour se reproduire, quoi. Et donc, ce chat était tout le temps rempli de petits, chaque fois à la saison nouvelle, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, je voyais mon chat qui était vraiment épuisé d'allaiter ses petits. Enfin, c'est comme... Vous voyez, la nature... Il y a quelque chose aussi de l'ordre, les choses se font, on ne se pose pas de questions, les choses sont comme ça, c'est depuis des millénaires que ça se passe comme ça, et donc, mais à un moment donné, j'ai été voir un médecin pour mon chat, pour lui couper ses trompes, ouais. C'est comme ça qu'on dit, et voilà. Oui, mais ce sont des points importants, c'est vrai que dans les besoins... il faudrait revoir exactement comment s'enchaînent les besoins dans la pyramide de Maslow, mais la reproduction est un besoin primaire des espèces. Et c'est clair que chez les mammifères, ça existe, tout comme chez les abeilles. Et ce qu'on voit ici, quand je parlais de ponte, etc., ça se passe au niveau de l'individu. Si maintenant on regarde ce qui se passe au niveau du collectif, ce besoin de reproduction au niveau du collectif existe. C'est ce qu'on appelle l'essaimage. Donc la ponte, c'est une colonie qui produit des individus. Il y a un livre qui est passionnant, qui est un... Enfin, il y en a plusieurs sur les abeilles. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années par un professeur d'université bavarois, je crois que c'est un biologiste, qui est d'abord un livre magnifiquement bien illustré, il est très agréable à lire, il est à la fois technique et très ouvert. Ce n'est pas un livre de biologie, c'est un livre d'apiculture, mais qui est assez précis. Et j'ai ce livre ici. L'auteur s'appelle Jürgen Tautz et il est de fait professeur de biologie dans une université en Bavière. Et ce professeur compare la colonie d'abeilles, pas l'abeille individuelle, à un mammifère. Et il le compare... Il donne un certain nombre d'arguments par rapport à ça quand il fait l'analogie. Je cite ici, il dit « Les qualités sur lesquelles repose la supériorité des mammifères sont présentes à l'identique dans ce super-organisme que forme la société des abeilles. » Donc, il compare la société des abeilles, la colonie, à un super-organisme. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme ? C'est un ensemble d'organes avec des fonctions. Et sur quelle base argumente-t-il cela ? Il dit d'abord que les abeilles ont un taux de reproduction qui est raisonnablement lent. Attendez, je vous ai dit il y a quelques minutes qu'une reine pondait jusqu'à 2000 œufs par jour, son poids par jour. Mais ça, c'est la production d'individus. Si on regarde la production de la colonie, on est à un essaimage par an, une nouvelle colonie par an. Donc un taux de reproduction des colonies qui est lent. En plus, il dit qu'il y a l'équivalent d'un lait maternel. Mammifère, c'est la mamelle, c'est le lait. La gelée royale et toutes les abeilles et les faux-bourdons à l'état larvaire ont reçu de la gelée. Donc tous ont été quasiment allaités. Il y a ce qu'on appelle au niveau des mammifères l'homéostasie, c'est-à-dire que le corps humain est à une température moyenne normale de 37-37,2 degrés. À l'intérieur de la colonie, là où se trouve le couvain, la température est constante à 35 degrés. Que nous soyons avec des températures froides comme aujourd'hui, qu'il y ait du gel ou qu'il y ait des 40 degrés dehors. Les abeilles sont en mesure de chauffer ou de refroidir la colonie. Et il met d'autres éléments par rapport à ça, notamment les capacités cognitives qui sont élevées. Donc oui, la reproduction chez les abeilles existe et est un besoin aussi. Oui, mais quand je parlais du chat, de mon chat, c'était pour dire que, à la base, la nature, parce que ça, l'abeille, c'est la nature. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, hein, mais la ruche, après, ce qu'elle en fait, elle n'a pas besoin de l'homme. Je veux dire, l'homme qui vient retirer son miel, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une grande collaboration, un grand. pour que l'être humain puisse venir chercher le miel de l'abeille. À la base, l'abeille, elle n'a pas besoin de l'homme. L'homme pour l'abeille est un prédateur, de la même façon qu'on peut le voir par rapport à la vache, quand l'homme prend le lait de la vache. Alors, on peut faire des analogies. Vous avez des vaches comme les Holstein, qui d'une manière très péjorative, et je suis triste de l'exprimer comme ça, sont un pis sur quatre pattes. Ce sont des machines à produire du lait. Et c'est très triste. Les abeilles que nous avons aujourd'hui, dans bon nombre de cas, sont là et leur miel est pillé. Ce que personnellement, je me refuse à faire. Bah oui, après, il y a toute une déontologie par rapport, en tout cas une éthique, voilà, c'est plutôt ça. Comment, quel est le rapport à l'abeille et à ce qu'elle produit, quoi. C'est une question qui est, je pense, au cœur d'un certain nombre de débats et qui est en tout cas au cœur de mon approche par rapport au monde des abeilles. Le mot éthique est un mot qui est fondamental dans ma vie. Bon, l'éthique, c'est la référence à un code moral. Toute société a un code moral, y compris la mafia, y compris des organisations criminelles. Le tout est de savoir ce que contient ce code. Mais mon métier d'auditeur et mon activité d'apiculteur sont guidés par des valeurs morales qui me sont personnelles et pour lesquelles je n'ai pas envie de forcer les gens à adhérer à mes valeurs. Ce sont les miennes, je suis prêt à les expliquer, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas tomber dans une intransigeance qui forcerait tout le monde à y adhérer. Au niveau de mes pratiques apicoles, mes valeurs sont les mêmes que celles qui président à, je dirais, ma vie au sens large et à ma relation au monde animal et végétal, notamment en tant que consommateur de produits d'alimentation. Je n'ai pas de cholestérol. Si j'avais du cholestérol, il serait à tendance bio. Nous mangeons bio à la maison. C'est une question de choix. C'est une question aussi de respect de la nature. Je pense que les techniques et les méthodes agricoles d'aujourd'hui, l'agriculture intensive, nous amène à une forme de perte de l'humanité et de catastrophe à venir. Notre fille habite à Spi. Chaque fois qu'on va chez elle ou qu'elle vient, à cette saison-ci, la voiture revient couverte de boue. Pourquoi ? Parce que nous passons en bordure d'un champ. La pente est légère, mais dès qu'il pleut, l'eau n'est plus absorbée par ce champ, elle ruisselle, elle arrive sur la route et les voitures qui passent sont aspergées de boue. Pourquoi ce champ est dans cet état-là ? Parce que la terre est devenue morte. Elle est devenue morte parce qu'il y a des insecticides qui tuent les vers de terre et qu'il n'y a plus d'humus, il n'y a plus de matière vivante dans cette terre. Elle est asphyxiée. Mes pratiques apicoles sont différentes de celles qui sont enseignés dans les écoles d'apiculture. C'est-à-dire que je cherche à récolter moins de miel pour en laisser davantage aux abeilles et j'essaye d'éviter tout nourrissement. Ce qui, quelque part, compte tenu de ce qu'est la vie par chez nous en Belgique, est difficile à faire. Le nourrissement, pour moi, est un pis-aller que j'accepte, mais je me refuse à piller mes colonies pour nourrir mes abeilles au sucre de betterave. Si le miel est bon pour nous, il est encore meilleur pour elles. Rappelez-nous encore, c'est quoi le nourrissement ? Le nourrissement, c'est le fait que les abeilles récoltent du miel pour vivre au quotidien et elles le récoltent quand il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger quand il y a du pollen, quand il y a du nectar. Quand il n'y a plus ni pollen ni nectar, les abeilles vivent sur les réserves. Les réserves, c'est le miel et le pain d'abeille qu'elles ont emmagasiné. Si l'apiculteur a tout collecté, les abeilles n'ont plus rien à manger. Pour que la colonie ne crève pas de faim, et j'utilise le mot crever parce que c'est très dur à voir, l'apiculteur donne un sirop de nourrissement qui est basé sur du sucre qui est soit acheté, soit préparé par l'apiculteur. Et c'est absurde. Bah comme ça, sans savoir, ça a l'air dégueulasse, non ? Déjà, le sucre, enfin, le sucre blanc, c'est, il paraît, le plus mauvais sucre. Enfin, voilà. Sans connaître vraiment tout ce qui se passe par rapport à l'abeille, la ruche et compagnie, j'ai l'impression que c'est vraiment une méthode de rajouter du sucre. C'est un peu hard, non ? Oui, je trouve que ce l'est. C'est d'autant plus hard que le sirop qui traditionnellement leur est donné les amène à avoir une nourriture qui est de la biochimie et qui n'est pas une matière vivante. Le miel est une matière vivante, le miel est rempli d'enzymes. Ce sucre, non seulement n'a pas ces enzymes, n'a pas tout cet aspect vivant, mais en plus de ça, il n'a pas du tout le même pH, n'a pas du tout le même niveau d'acidité que le miel. Ce qui veut dire que les abeilles qui mangent ce sirop mangent quelque chose qui n'est pas du tout adapté à leur type d'alimentation et ça leur nuit. De manière concrète, quand il y a... Je pratique le nourrissement parce que je n'ai pas envie que mes abeilles meurent. Je leur laisse le plus de miel possible, mais c'est très difficile de mesurer. Donc en fin de saison, je m'assure de leur donner un complément. Et à cette saison-ci, je vais leur apporter un complément aussi. Maintenant, quand je pratique un nourrissement, je n'achète pas du sucre blanc en supermarché ou qui est un sucre qui revient pratiquement à, allez, je dirais, aux alentours de 70 centimes d'euros. Quand je pratique le nourrissement, je vais chercher des sucres spéciaux pour les abeilles qui, au minimum, donnent un sirop qui a le pH qui correspond. Et je le prépare avec un certain nombre d'éléments qui peut les renforcer par ailleurs. Mais je ne vous cache pas que je suis en train de revoir toute ma pratique et je pense que dans 3 ans, j'y serai pour collecter nettement moins, avoir un taux de rendement économique. Bon, je suis quand même un professionnel du monde de la finance et l'aspect économique pour moi est un enjeu, plus intellectuel qu'autre chose. Mais le modèle apicole que je veux développer va être correct pour l'abeille et bon pour l'abeille. Je pense que les abeilles ont besoin de l'homme aujourd'hui. Et permettra à l'apiculteur de ne pas avoir de pertes et même de dégager un surplus. Ça ne veut pas dire de la rentabilité, mais un surplus. Donc vous dites, je retiens ce que vous venez de dire, donc la main de l'homme intervient, la main de l'homme pourrait de plus en plus intervenir pour aider l'abeille, quoi. C'est ça que vous... Pour aider l'abeille, c'est une bonne question. La main de l'homme intervient dans la vie de la colonie. Dans les cours d'apiculture, on nous dit, tout au début des cours, classiquement, on nous dit quels sont les ennemis des abeilles. Alors on dit l'ours. Il n'y en a plus des masses chez nous. Mais il y a un atavisme chez les abeilles, elles n'aiment pas les couleurs foncées. On suppose que c'est à cause des ours, c'est pour ça que les apiculteurs sont en couleur claire. On dit l'ours, on dit le pic vert qui casse les ruches, on dit les escargots. Oui, tout ça est vrai, mais le premier ennemi de l'abeille, c'est l'homme en tant que prédateur, pilleur des produits de la ruche, pilleur du miel. Donc oui, l'homme a une main qui est lourde dans la vie de la colonie. J'essaye de revoir toutes mes pratiques apicoles pour que ma main soit la plus douce possible et que ma façon de vivre à côté de mes ruches, les ruches, c'est à moi qu'elles sont, même si elles sont habitées, mais les abeilles ne sont pas à moi. Quelque part, elles s'appartiennent et mes abeilles ont le droit à l'essaimage. Pour que ma main soit la plus légère et la plus douce possible. Et puis derrière la question que vous posez ici, celle de la main de l'homme, je pense qu'il y a deux débats aussi. Il y a le débat de la domestication de l'animal, et puis il y a le débat aussi de ce que l'homme, en dehors de l'apiculture, fait subir à l'abeille. Alors, le premier débat pour moi, c'est l'abeille animal domestique ou pas. Ce qui caractérise un animal domestique, c'est sa relation à l'homme et quelque part l'irréversibilité de cette relation. L'animal et l'homme sont rentrés en relation. Est-ce que l'animal est toujours capable de vivre sans l'homme? Le premier animal domestiqué est le loup, qui est devenu le chien. Est-ce que le chien sait vivre sans l'homme? Raisonnablement peu. Le chat est un animal domestique. Est-ce qu'il peut vivre sans l'homme? Je pense que c'est aujourd'hui le seul animal domestique capable de retourner à la vie sauvage à n'importe quel moment et pour n'importe quel chat. L'abeille est-elle un animal domestique? C'est un animal qui peut quitter la ruche et aller s'installer ailleurs à n'importe quel moment, l'essaimage. Mais c'est un animal qui, aujourd'hui, parce que la main de l'homme, et là je dis la main de l'homme en dehors de l'apiculteur, la main de notre civilisation est de plus en plus lourde et de plus en plus sauvage et de plus en plus cruelle sur la vie des abeilles. On entend parler dans énormément de pays de perte des colonies, de syndrome de dépérissement des colonies. Il s'agit d'un constat qui est fait par énormément d'apiculteurs de se rendre compte que, tiens, aujourd'hui, j'ai des ruches, Et je reviens le lendemain et j'ai des ruches vides. Où sont parties mes abeilles? Ça se passe en pleine saison et ce n'est pas un essaimage. Dans un essaimage, il y a environ la moitié de la colonie qui reste à l'intérieur. Dans le cadre de cette déperdition, c'est l'intégralité des colonies qui disparaît. Ça peut se passer en été, ça peut se passer en hiver. On n'a plus une seule abeille ou quelques rares abeilles perdues au sein d'une colonie. Pourquoi? C'est toujours en cours d'étude. Ce qui semble être assez clair par rapport à ça, c'est un certain nombre de pratiques du monde agricole au sens large. Nous avons la chance en Belgique d'avoir un centre qui étudie les abeilles de très près, qui dépend de l'UCL, qui travaille avec l'UCL, avec d'autres universités belges ou des autres pays. Et le CARI a mené une étude sur les déperditions de colonies en Wallonie. Ce qui ressort de cette étude, ce sont deux éléments qui, pour les chercheurs, sont maintenant clairement établis. Ils ont établi un lien, ils ont établi une corrélation entre les déperditions de colonies et la présence de fongicides dans les ruches, et d'autre part, l'environnement proche des ruchers. Je vous ai dit que les abeilles allaient chercher leur nourriture dans les 600 à 3000 mètres autour des colonies. Cette étude a analysé ce qui se passait dans un rayon, je pense, de 2 km autour des ruchers. Et ils se sont rendus compte que la présence de terres agricoles était forte dans les zones où il y avait perte de colonies. Ça veut donc dire que l'activité agricole, je ne parle pas de l'élevage, je parle de l'agriculture, avec ce que ça entraîne en produits phytosanitaires, cette activité agricole a un lien avec les déperditions des colonies. On n'a pas encore établi la cause précise. Je pense que les sociétés qui produisent tous les néonicotinoïdes qui sont fortement mis en cause vont dire qu'il n'y a aucun lien établi. En attendant, ce qui est établi, c'est la corrélation, sans avoir établi la cause précise. C'est telle molécule qui fait que, etc., etc. Donc, à ce niveau-là, la main de l'homme est excessivement violente sur les abeilles, et le risque de voir les abeilles disparaître très fortement ou totalement n'est pas à exclure. Il existe une vallée en Chine où les insecticides ont été tellement fortement utilisés qu'il n'y a plus une seule abeille et que les producteurs de fruits, quand ils sont allés trouver le gouvernement chinois il y a une dizaine d'années, qu'ils ont dit « on n'a plus de pollinisateurs », le gouvernement chinois leur a répondu « faites-le à la main » et les gens se sont trouvés tout à fait perdus et ils ont commencé à le faire et on voit ces gens qui pollinisent à la main leurs pommiers et leurs poiriers parce que les abeilles ne sont toujours pas revenues. C'est le risque de cette main violente sur les colonies. Si ceci devait arriver par chez nous, plus de fleurs, de très rares variétés de fleurs qui seraient pollinisées par des espèces d'abeilles solitaires, mais la majorité des fleurs et des arbres fruitiers ne seraient plus fécondés. Donc toute cette volée de l'activité végétale disparaîtrait et nous aurions des petits déjeuners de céréales. Mais quand j'entends ça, enfin, oui, on entend évidemment. Enfin, moi, je suis jamais rentrée dans le cœur du sujet. Hein, de tiens, l'abeille, c'est grave, c'est les plus là. Oui, c'est très grave parce qu'il y a plein de choses qui disparaissent hein, de nos jours. Voilà. Est-ce que c'est grave, docteur, que l'abeille s'en aille? Vous nous expliquez là, oui, que du coup, il y aurait plus de fleurs. Est-ce que c'est grave, docteur, qu'il n'y ait plus de fleurs? Qu'est-ce que... Bon, les gens qui vivent en contact avec les fleurs, bah évidemment, ce serait triste de plus les voir, ces fleurs, mais j'imagine que les gens qui ne sont pas du tout en contact avec tout ça, ils s'en foutent royalement. Et c'est peut-être ça aussi qui domine, peut-être, en ce moment, et qui gagne du terrain, c'est-à-dire que la nature, bah, on s'en fout, on n'a pas besoin. C'est de fait présenté d'une manière qui est très interpellante. Si on ne fait pas le lien entre la fleur et autre chose, oui, on peut se dire que ce n'est pas important. Regardez, sur la table, on a un bouquet de fleurs. Ce sont des tulipes. Bon, s'il n'y a plus de tulipes, il n'y a plus de tulipes. Et quoi ? Ben, il n'y a plus de tulipes. Par la fenêtre, je vois un cerisier. Ce cerisier, bientôt, il va être tout blanc. Qu'est-ce qui va se passer quand les fleurs ne seront plus là ? Il y aura des cerises. Derrière la fleur, il y a le fruit. Derrière le fruit, il y a la nourriture, il y a la vie. Il y a un autre arbre juste à côté qui est un pommier. Et chaque année, ce pommier m'émeut. Il m'émeut pourquoi ? Parce que les pommes qu'il produit sont des belles pommes rouges et pas des pommes calibrées de supermarché. C'est des vraies pommes vivantes, rustiques. Mais ce qui me touche très profondément dans ce pommier, c'est l'abondance de pommes qu'il donne. S'il n'y a plus abeilles, les fleurs ne seront plus visitées par les abeilles, qui ne vont plus avec leurs petites pattes poilues et leur langue ramasser le pollen. Ou le nectar. Ou le nectar. Le nectar, c'est pour le miel. Qu'est-ce que c'est que le pollen ? C'est les spermatozoïdes, c'est les graines mâles. Et en ramassant le pollen, qu'est-ce qu'elles font ? D'abord, elles secouent tout le pollen qui est autour, et une abeille qui visite une fleur, une abeille s'est couverte de poils. Et surtout, ces poils, il y a du pollen qui se colle. Et puis, quand elle quitte cette fleur-là, elle va dans une autre fleur. Et dans cette autre fleur, ben, en se frottant, en s'ébrouant, elle répartit le pollen ben, de ce pommier-là, d'un autre pommier, d'une autre fleur qu'elle a visitée, d'une autre espèce végétale. Mais en faisant ça, elle amène des graines, elle amène des spermatozoïdes, des grains de pollen, à un ovule qui peut être fécondé. Donc elle amène de quoi féconder. Alors quel est l'intérêt de féconder une fleur de pommier ? Mais tout simplement d'arriver à avoir une pomme. Donc si on n'a plus ça, eh bien on n'aura plus de pommes. Derrière la disparition des fleurs, c'est la disparition des pommes, c'est la disparition des cerises, mais c'est la disparition des légumes. Il n'y aura plus de courgettes. Alors là, je ne vois pas le lien avec la courgette, parce que l'abeille, elle ne va pas sur la courgette. Et la courgette, c'est quoi ? C'est un fruit ? Elle a des fleurs, la courgette, je suis bête. Vous êtes distraite. Oui, donc il n'y aurait plus de légumes non plus. Tout ce qui est lié... Il n'y aurait plus de noisettes. Hein. On voit les noisetiers ici, les chatons des noisetiers. Il n'y aurait plus de noisettes non plus. Mais c'est dingue, ça. Enfin, tout repose sur l'abeille, ou en tout cas, tous ces petits insectes qui butinent. Donc ça ne repose pas uniquement sur l'abeille, quoi. Ça ne repose pas uniquement sur l'abeille, mais ça repose en très grande partie sur l'abeille, à tel point que dans les modèles agricoles les plus affreux qui existent, on a le modèle agricole américain qui implique une apiculture d'esclavagisme. Vous avez peut-être déjà vu ces images des champs d'amandiers en Californie. C'est de la monoculture. La monoculture est affreuse. La monoculture, puisqu'il n'y a pas équilibre entre les différentes espèces végétales, n'amène pas le contrôle des parasites. Les parasites, c'est par exemple les limaces. Donc on a une absence d'autocontrôle qui oblige à utiliser tous des produits de traitement. Et comme ces produits sont utilisés, il n'y a plus d'insectes. Donc dans ces régions, il n'y a plus d'abeilles. Comment les agriculteurs font-ils pour pouvoir avoir des fleurs sur leurs amandiers ? Ils font venir des abeilles, donc il y a de la transhumance. Et cette transhumance, il y a eu des reportages sur les chaînes de télévision qui sont hallucinants. Vous avez des apiculteurs qui viennent de Floride. Ils chargent toutes leurs ruches sur des semi-remorques. Ils amènent ces colonies par semi-remorque en Californie. Ils perdent un tiers de leurs colonies. Ils les nourrissent au sirop en cours de route. Ils se font rémunérer sur la fécondation des amandiers et ils se fichent pas mal. Des abeilles dont la vie ne les intéresse pas particulièrement. Quand la saison des amandiers est terminée, il y a les orangers, etc., les abricotiers, etc. Et puis, en fin de parcours, ils ramènent toutes leurs colonies en Floride. Et puis, vers le mois de septembre, ils vont faire les bleuets et les érelles à la frontière du Canada sur la côte est. et rebelote, on perd 30% des colonies. Et tout c'est de la monoculture, tout c'est d'un esclavagisme des abeilles, et très mortifère pour les abeilles aussi. Oui, cette main de l'homme, c'est fou quand même. Hein. Qu'est-ce que... On en est où avec tout ça quand même? C'est quand même énorme hein, ce qui se passe comme enjeu quand on se renseigne un peu sur ce qui se passe au niveau de la nature. Hein. On va prendre la nature au sens large. C'est comme si on essayait à tout prix qu'elle n'existe plus. Ou en tout cas, c'est l'être humain qui veut la... J'ai l'impression en fait... Au départ, c'est la nature qui est là, qui domine, qui est là, enfin, elle domine naturellement, hein. Elle est là, c'est pas dominée, hein. elle est présente, c'est peut-être pas le bon mot, dominée, mais la nature est là, elle est présente. Et elle a ses équilibres qui sont cohérents et qui sont raisonnablement simples. La nature est un tout qui est cohérent et qui communie. Oui, à la base, oui, c'est comme quand on regarde l'univers, hein, le soleil, la terre, enfin tout. Et il paraît qu'il faudrait pas que ce soit un millimètre un peu trop en avant du soleil ou en arrière. Enfin tout, il y a un équilibre comme ça. Voilà, c'est mystérieux tout ça. On ne sait pas très bien pourquoi, comment. Enfin ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc il y a cette nature qui est présente. Et puis après, il y a l'être humain. Qui veut dominer cette nature, hein. L'être humain veut la, je sais même pas si c'est la comprendre, mais en tout cas il veut avoir la main dessus. Et puis j'ai l'impression qu'on passait à un moment donné vers le fait d'être plus dans une coopération avec cette nature. Mais au fond, c'est plus vraiment ça qui se passe pour le moment. C'est vraiment la nature. On aurait tendance à dire, et j'ai entendu assez récemment, de dire que cette nature, de toute façon, comme elle ne donne pas d'argent, cette nature, enfin, j'essaye de... on s'en fout, en fait. Cette nature n'est pas il n'y a pas moyen de la comptabiliser, cette nature. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Même si elle nous donne tout, mais donc elle n'est pas intéressante, cette nature. L'air que nous respirons, voilà, c'est plutôt ça que je devrais prendre comme exemple pour bien expliquer mon propos. C'est l'air que nous respirons n'est pas monnayable, donc on s'en fout. Voilà, il y a un petit peu ça, je trouve, dans l'air du temps par rapport à la nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous abordez énormément de sujets fascinants qui et passionnants. L'air n'est pas monnayable, la nature, est-ce qu'on la domine? La relation de l'homme à la nature... Mais c'est juste pour dire, c'est faire le lien avec les abeilles et cette espèce de main de l'homme, quoi, hein, parce que quelque part, l'abeille, elle continue son histoire, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même l'homme, l'être humain qui vient chambouler tout son équilibre, du coup, voilà, c'est pour ça que j'aborde aussi. Je pense que la relation de l'homme à la nature ne s'inscrit pas tant dans un besoin que l'homme a de dominer. Je pense que oui, de fait, un certain nombre de personnalités humaines sont des gens qui ont besoin de dominer. Ça se trouve chez un bon nombre de dirigeants d'entreprises. Mais je pense que ce qui embarrasse le plus, ce qui crée le plus de problèmes, n'est pas cette propension d'un certain nombre d'individus, c'est davantage la propension de chaque individu, de chacun de nous. Le premier que je veux mettre en cause, c'est moi. Vous êtes en face de moi, la deuxième personne que j'impliquerai là-dedans, c'est vous et chaque personne, chaque auditeur. Non, pas moi, non. On peut en discuter. Et c'est la propension que chacun d'entre nous a à vouloir plus. Et c'est, je ne dirais pas que c'est notre course effrénée au profit, notre avarice propre, mais la pression qu'on met sur la planète, elle se manifeste dans nos choix au quotidien. J'ai eu une discussion il y a peu de temps avec des gens issus du milieu syndical sur le thème des t-shirts qu'on achetait. Si on achète un t-shirt dans une chaîne de supermarchés ou de magasins qui vendent des articles à bas coût. Si on achète un t-shirt à 2 euros ou 3 euros, derrière cet achat, on a des enfants qui ont travaillé, on a des gens qui ont travaillé dans des usines qui menacent de s'effondrer comme ça s'est passé il y a peu de temps en Bangladesh, on a des gens qui ont travaillé avec des produits chimiques toxique. Et quand on achète un t-shirt à 2 ou 3 euros, on se trouve soi-même complice de ce mécanisme-là. C'est de la responsabilité individuelle. Oui, moi je suis d'accord, mais là-dessus, c'est encore, je pense, à un autre sujet, parce que alors, c'est que tout le monde n'a pas conscience des enjeux, et c'est sûr que, voilà, puis j'imagine que la personne qui a un petit budget, qui doit déjà gérer sa vie, et ses enfants, et son travail, ben, elle va plutôt faire des choix de comptabilité, quoi, c'est-à-dire qu'elle ne va pas commencer à... Je vous entends bien. Si on regarde la partie des budgets consacrés par les Belges à leur alimentation sur les 20 ou 30 dernières années, on verra que cette partie diminue. Au détriment de quoi ? Au détriment d'une alimentation de qualité. Si on regarde le panier acheté dans un supermarché, on verra qu'on est de moins en moins dans de l'achat d'aliments fondamentaux, mais on est davantage dans des dépenses qui ont trait à des boissons. Alors, boire, c'est important, mais ce n'est peut-être pas nécessairement boire des sodas bourrés de sucre ou boire des bières de grande consommation. C'est moins important qu'un miel de qualité par rapport à un miel importé ou tripoté, trafiqué comme la plupart des miels. Je pense qu'on achète... On achète différemment et même au niveau des petits budgets. Acheter des nouveaux t-shirts et des nouvelles mallettes à chaque rentrée des classes, ce n'est peut-être pas nécessaire. Peut-être qu'on peut acheter moins, meilleure qualité, plus respectueux. Je pense que chacun d'entre nous, et mettons de côté les moins favorisés, prenons les classes moyennes. On est dans la responsabilité individuelle. Oui, on est dans la responsabilité individuelle et aussi dans des choix politiques. Hein. Si le politique met en place une espèce d'économie comme ça où tout est bon, allez, c'est celui qui est le plus fort qui gagne. Ça doit se passer des deux côtés, quoi. Oui, mais le politique, quelque part, émane du citoyen. Et j'en reviens, je trouve le discours qui est de dire « c'est le politique, c'est l'autre » est un discours qui, pour moi, est trop facile. Je pense que ça relève des choix individuels aussi. Mon choix individuel d'apiculture est d'aller vers une apiculture qui me coûte plus cher, alors que je ne sais pas vendre mon miel à un prix plus élevé pour autant. Donc, j'accepte de gagner moins. Ça relève, pour moi, le choix individuel est vraiment beaucoup trop important par rapport à ça. Oui, mais du coup, enfin, on va arrêter... Parce que sinon, on reprend toujours... Allez, je vous laisse le mot de la fin sur toute cette discussion, tous ces sujets qu'on a abordés. Enfin, quand même, l'élément essentiel, c'était l'abeille. Savoir ce qui s'y passe à l'intérieur, là, de sa ruche. Voilà, je vous laisse le mot de la fin. Oh, le mot de la fin, on va le donner aux abeilles, à la beauté de ce qui se passe dedans et à toute cette lumière qui existe dans une ruche, alors que la ruche vit dans l'obscurité la plupart du temps. Il existe un tel rayonnement, une telle beauté dans la couleur du miel et dans la couleur des cires que je pense qu'on peut simplement penser à ces petites abeilles qui, pour information, il en faut 10 pour faire un gramme. Et avec ces petites abeilles qui pèsent un dixième de gramme, on a quand même une bonne partie de l'avenir de nos civilisations, du présent de nos civilisations, de l'avenir de nos sociétés qui est en jeu par leur vie ou par leur disparition. Merci François Godet. Je vous en prie, Graziella.